aux enfants de la batterie, le jour de foire est arrivé. Allons enfants de la batterie, le jour de foire est arrivé. La mort n'a pas de drapeau, pleurons son des discours. La patrie aura notre peau, les hommes auront la bravoure. À l'heure de nos funérailles, ils sont hauts les sentiments. La France remet ses médailles au spectre des régiments. Allons enfants de la batterie, le jour de foire est arrivé. Allons enfants de la batterie, le jour de foire est arrivé. Aux pupilles de la nation, restent les yeux pour pleurer. Aux pupitres de l'émotion, restent les pieux pour prier. Marchons religieusement, et Dieu nous le rendra. Mourons politiquement, il nous décorera. Allons enfants de la batterie, le jour de foire est arrivé. Allons enfants de la batterie, le jour de foire est arrivé. Il abrutit nos écoles du chant de la morale. L'honneur en son de cloche marseillaise en chorale. Nationaliste en vogue, pétinisme incrusté. Royaliste à la mode, Napoléon frustré. Allons enfants de la batterie, le jour de foire est arrivé. Allons enfants de la batterie, le jour de foire est arrivé. Il se reconnaîtra sous son air impérial. Qui sait jusqu'où ira cette machine infernale. Au seuil de la Russie, pour s'y casser les dents. L'Europe qu'elle réussite, l'aigle est toujours vivant. Allons enfants de la batterie, le jour de foire est arrivé. Allons enfants de la batterie, le jour de foire est arrivé. Allons enfants de la batterie, le jour de foire est arrivé. Allons enfants de la batterie, le jour de foire est arrivé.